Éducation populaire et Boris est venu nous parler d'une thématique autour de l'islam. Et donc je vais vous laisser écouter son intervention et vous êtes bienvenue si vous voulez participer, poser des questions ensuite. Boris. Bonjour à tous et à toutes. Le thème que je vais traiter, c'est l'islamophobie en France. Déjà, thématique là, parce que c'est un peu dans l'actualité en France. Pour un peu donner des infos, j'ai commencé par vous présenter l'islam. Qu'est-ce que l'islam? La deuxième, je vais vous présenter la laïcité sur le cadre français juridique en France, lire un texte et après vous donner l'historique de la loi et après donc ce que la loi dit sur la laïcité. Et ensuite, je vais partir sur sur contre-argumentation par rapport sur l'islam, sur la laïcité et ce que nos pensants disent en argumentaire. Et je vais dire beaucoup de contre ces argumentaires-là, parce que je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'ils donnent en argumentaire. Préviens juste que je suis conviction athée, donc je ne suis pas un expert de l'islam. Donc là, je vais juste vous donner des infos. Après, si vous êtes musulman avec vous pratiquez l'islam, si vous voulez apporter des infos en plus ou des choses que j'ai mal dites et mal comprises, vous êtes le bienvenu. Voilà. J'ai déjà commencé par des chiffres. Donc en France, sur l'islamophobie et sur l'unité musulmane en France. Déjà un chiffre, 40% des musulmans disent subir des actes de racisme et de discrimination par rapport justement à leurs convictions. Alors ça, c'est un chiffre où des gens vont dire, je pense que le chiffre est bien bas, je pense qu'on doit avoir beaucoup plus haut, beaucoup plus de personnes subissant du racisme et de la discrimination. Ensuite, d'autres chiffres, ça c'est un chiffre de 2018. On a recensé 676 actes islamophobes. Là, c'est pareil, c'est un chiffre qui est, je pense, très bas par rapport aux actes total en France. On a 52% d'actes par rapport à 2017. On voit déjà qu'en un an, ça grimpe beaucoup. Ensuite, on a 84% des actes recensés qui sont des discriminations. On a 70 actes des personnes visées, c'est des femmes. Donc là aussi, ça en dit très long sur, on va dire, le patriarcat. Voir que la majorité, c'est les femmes qui subissent ces actes-là en France. Et ensuite, 55% qui sont des institutions. Là aussi, je trouve que c'est très grave et très inquiétant que l'institution majoritairement face à ces actes-là en France. Donc là, je vous donne des chiffres. Ça, c'est des chiffres recensés par une institution en fait musulmane de France, qui est la CCIF. Et bien sûr, bon, ces chiffres, je pense, sont bien bas et je pense qu'ils sont beaucoup plus élevés sur le terrain. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'islam. L'islam, c'est un courant, c'est une conviction religieuse. L'islam fait partie des cinq religions les plus pratiquées dans le monde, dans le top 5. En France, c'est l'une des trois les plus pratiquées au niveau de la France. Après, au niveau des humains en France, ils sont moins de 5% de la population. Maintenant, je vais parler un peu de ce qu'est-ce que l'islam, l'historique. Et puis voilà, on va dire des choses importantes par rapport à l'islam et la conviction religieuse. Donc déjà, l'islam, donc c'est un courant, ça apparu à partir du 7e siècle. Ça a apparu par le prophète Mohammed. En fait, c'est le prophète pour l'islam. C'est quelqu'un qui a, je crois, il a, ça a 30 ans, c'est 30 ans où il a reçu l'ange Gabriel qui lui a dicté les paroles de Dieu, donc c'est Allah pour les musulmans. Quand il les a reçus, il a été en fait faire un peu de méditation dans une grotte, dans les montagnes, et à ce moment-là, donc il y a l'ange Gabriel qui est apparu et tu l'as prévenu qu'il était choisi comme le prophète de l'islam, et tu lui as commencé à lui donner les paroles de Dieu. Donc voilà, par rapport donc l'islam, il y a ce prophète-là. D'abord, en fait, les paroles de Dieu sont déjà transmises par façon orale, comme dans beaucoup de religions. D'abord, c'était par l'oral, la transmission orale. Donc Mohamed, en fait, déjà n'a pas reçu toutes les paroles en une journée. C'est tout au long de sa vie qu'il a reçu les paroles de Allah par l'ange Gabriel. Après sa mort, donc lui il est mort en 632. Après sa mort, en fait, c'est à partir de sa mort où notamment le premier califat en fait a commencé à vouloir mettre par écrit justement la tradition musulmane et on va dire les textes coraniques. Et le texte, justement, le Coran, s'est écrit à peu près en 25-30 ans. Donc c'était très long. Donc voilà. Donc maintenant, sur le Coran, contient 114 sourates. En fait, c'est les sourates, on va dire, c'est des chapitres. Donc il y a 114 chapitres, mais ça s'appelle sourates. Et après, dans ces chapitres, il y a les versets. Donc verset 1, verset 2, qui va lui retranscrire la parole de Dieu. Donc après, ce qui est très important sur justement le Coran, dans les autres textes, il n'y a justement pas cette chose-là, mais le Coran, dans la conviction musulmane, c'est logiquement 100% les paroles de Dieu qui sont mises dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation, c'est logiquement vraiment les paroles d'Allah qu'il a reçues et qui ont été transmises, qui ont été retranscrites à l'écrit. Après aussi, ce qui est justement intéressant on va dire dans le Coran, ça va être aussi dans la partie dans le texte, c'est déjà le Coran reconnaît tous les prophètes des autres religions, donc c'est-à-dire le prophète des Juifs, le prophète des chrétiens. Donc ça veut dire aussi qu'en fait dans le texte du Coran reprend aussi des parties de la Bible et de la Torah. Donc la Torah c'est le pour les Juifs. Et donc de temps en temps on voit voilà dans le Coran des passages où il va parler de Marie, de Jésus et des personnages juifs dans le texte du Coran. Donc déjà ça montre ce qui est intéressant, c'est qu'il reconnaît aussi les autres croyants et qu'il n'est pas contre ces autres convictions-là puisque c'est dans le texte et qu'il reconnaît les anciens prophètes avant l'islam. Mais après au niveau du Coran, on va dire que pour le Coran, le seul prophète qu'on doit reconnaître, ça va être Mohamed. Le seul de l'islam, qui est en fait le vrai Dieu qui est le vrai Dieu par rapport au Coran. Mais bien sûr, ils reconnaissent aussi tous les autres prophètes. Donc ça, je trouve c'est très intéressant justement d'avoir cette partie-là. Donc ça, c'est à peu près l'historique. Après, je vais parler plus des textes. Et après, donc un peu des piliers de l'islam. Donc déjà, on va dire chez les musulmans, il y a on va dire deux courants très principaux. Là, qui est lié par rapport au prochain Messie qui viendra. Donc il y a deux courants qui se dégagent, il y a les sunnites et les chiites. Donc il y a un courant où on dit qu'en fait le prochain Messie viendra directement de la lignée du prophète Mohammed, donc de sa lignée directe. Et ça, c'est là. Donc toc toc, attendez, je retrouve. Donc ça, c'est les sunnites chez les musulmans. Et les chiites, par contre, eux disent que le prochain Messie viendra du quatrième califat qui était Ali. Donc viendra de la descendance d'Ali pour les chiites. Après, bien sûr, les sunnites et les chiites, il n'y a pas que ça dans cette pensée-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Je crois qu'il y a aussi par rapport à des piliers, ils vont pas avoir la même pratique. Pas la même pratique, pas la même lecture du Coran. Donc il n'y a pas aussi les chiites et du sunnite. Donc souvent en fait, donc c'est intéressant aussi médiatique, c'est qu'on va dire beaucoup ces deux choses-là, mais généralement on n'explique pas en fait, on explique très peu la différence entre ces deux courants de pensée au niveau de l'islam. Dans l'islam, il y a autre chose que il y a d'autres livres qui existent que le Coran. Vous avez le Coran en fait, il a les paroles de Dieu. Qui a été mis par qui a été transcrit qui a été donné à Mohamed et après lui qui l'a fait transcrire qui s'est transcrit au bout de 30 ans. Après vous avez la Sunna là qui va représenter on va dire deux choses. Vous avez une première partie où ça va être l'écriture par rapport à la vie du prophète. Donc là, ça va être l'écrit par rapport à les gens des premiers cercles ont vu comment Mohammed a pratiqué toute sa vie. Donc là, ça va être sur la sunna, cette partie-là. Et après, la deuxième partie du sunna, ça va être plutôt les hadiths. Les hadiths, là, ça va être des commentaires du Coran, de la vie des prophètes, pour pouvoir expliquer en fait bah, comment on fait la pratiquement, comment on fait la prière, qu'est-ce qu'il a voulu dire sur le Coran, comment on l'interprète. Voilà. Donc ça, par contre, c'est hadith. Il y en a beaucoup. Les hadiths ont été pendant, en fait, par des, ça a été écrit par des penseurs musulmans, par aussi les premiers cercles. En fait, c'était parlé aussi par les compagnons. Les compagnons au niveau de l'islam, c'est, on va dire, c'est les apôtres. Mais par exemple, les apôtres chez les chrétiens, bah, pour les musulmans, c'est les compagnons, c'est-à-dire les, en fait, les personnes qui étaient vraiment en contact avec Mohammed et qui étaient les premiers à entendre les paroles de Mohammed par rapport à cette conviction-là. Donc, c'était Mohammed qui ont entendu bah, les paroles qu'il a dit par rapport au Coran et qui ont reçu le Coran. Donc, c'est là justement, avec l'hadith, on fait l'hadith pour commenter et on fait aussi un texte sur la vie de Mohammed, voilà, pour commenter le Coran et les pratiques qu'il avait pour que les musulmans ne perdent pas. Ne perdent pas, voilà, puisse garder à peu près ce que dit le Coran et puisse expliquer voilà, le Coran. Ensuite, vous avez pareil, vous avez aussi qui est la première génération après les compagnons, donc qui est la génération après les compagnons, qui aussi ont fait des hadiths. Et ensuite, voilà, on fait des hadiths sur le Coran et sur les autres textes. Et puis après, voilà, il y a les penseurs jusqu'à très longtemps. Ça, par contre, je ne me rappelle plus des noms, mais vous avez des personnages justement importants au niveau des penseurs musulmans qui ont fait des hadiths et qui ont fait des écrits par rapport au Coran et la conviction en elle-même l'islam, de l'islam. Donc après, par rapport à l'islam, vous avez en tout cinq piliers, voire plus. Après, ça va dépendre du Coran aussi, de penser de l'islam. Parce que, en fait, c'est, on va dire, comme le christianisme, vous avez beaucoup de Coran. Beaucoup de courants de pensée là. Mais dans tous les courants, vous avez déjà cinq piliers très importants pour les personnes musulmanes, qui sont communs à peu près à tous les musulmans, qui sont... Alors, vous avez premièrement, le premier pilier, c'est la déclaration de foi. Alors moi, j'ai en français, c'est le shahada. En fait, c'est en gros, là, c'est le premier pilier, c'est-à-dire reconnaître en fait que bah, Allah, c'est le seul Dieu qu'on reconnaît, que prophète, c'est seul Mohammed. Que Mohamed, c'est le seul prophète aussi qu'on va reconnaître au niveau de la conviction. Donc en gros, premier pilier, c'est se dire je crois en Dieu, je crois en Allah, je crois en son seul prophète qui est Mohamed et le seul légitime envers ma conviction. Après, vous avez en deuxième pilier, c'est les cinq. La conviction de la prière coranique. Donc, cinq prières. Chaque prière va représenter un temps très. Va représenter aussi quelque chose de très particulier, va avoir une façon de faire. Vous avez la première prière qui se fait à la première lueur bleue de l'horizon, qui s'accomplit jusqu'à le début du lever du soleil. Vous avez en fait deux rakas à mettre dedans. Déjà, le premier raka, en fait, entre toutes les prières, vous avez déjà un raka à mettre tout le temps, c'est les premières trois lignes du Coran par rapport à Dieu, donc par rapport à Allah. Où là, je ne sais plus la traduction, mais bon, c'est un texte où vous reconnaissez la puissance de Allah. Voilà, où on va dire, ça revient un peu au premier, où là, vous dites, voilà, Allah le Tout-Puissant, etc. Je crois que c'est 4-5 lignes. Là, ça fait. Et ensuite, vous avez, pour la première prière, c'est deux rakas. Et là, le deuxième raka, en fait, bah, vous choisissez, on va dire, dans le Coran, l'autre verset que vous voulez prendre par rapport à votre prière. Celle-là est importante pour les musulmans parce que bah, celle-là, en fait, en parlant à beaucoup de personnes pratiquantes, ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'est important pour eux, parce que c'est la première de la journée, donc déjà c'est celle où vous allez remercier Dieu par rapport à votre journée, d'avoir passé la nuit, et vous allez dire, voilà, vous allez, on va dire, prier Dieu pour qu'il vous apporte une bonne journée, pour que vous fassiez du bon. Donc on va dire, c'est vraiment, comme c'est en fait comme la dernière de la journée, c'est deux moments importants sur les prières musulmanes. La deuxième prière, c'est au zénith, quand le soleil est au zénith. Là, pour les musulmans, ça représente en fait le moment où Dieu est le plus, a le plus de puissance, parce qu'il le sait. Donc ça, c'est plus par rapport à la, on va dire, voilà. Dans la tête, c'est là où il est le plus puissant, donc on va le prier aussi à ce moment-là. Vous avez la troisième prière qui est milieu de journée. Là, c'est quatre rakas. Donc toujours le premier raka où vous parlez par rapport au le premier verset du Coran, l'autre raka que vous voulez dans le Coran. Et là, ça commence à la fin du temps du Ad-Dur jusqu'au coucher du soleil. Après, vous avez la quatrième qui commence après le coucher du soleil et finit à la disparition des lueurs rouges ou blanches. Et là, c'est trop. La quatrième. Ah non, la quatrième, c'est là. C'est commence après couleur. Coucher du soleil et finit à la disparition de la lueur rouge et blanche. Après, vous avez la cinquième qui est la dernière, logiquement, de la prière. C'est 4 AK et ça commence à la disparition de la lueur rouge et ça, en fait, et commençant à l'aube. Et voilà. Et donc, la cinquième, c'est pareil, c'est on va dire une prière importante parce que ça veut dire en fait vous remerciez Dieu pour votre journée et une signification, c'est que c'est la dernière prière que vous faisiez si vous êtes mort dans la journée pour après passer, pour faire la partie après la mort, c'est-à-dire enfer, paradis. Ça va être la dernière où là vous allez dire, voilà, vous remerciez Dieu de la journée et vous faites une petite prière par rapport aussi à cet événement-là. C'est-à-dire un peu le prier par rapport si vous mourrez dans la nuit, bah, vous allez au paradis, etc. Donc aussi un moment très important pour la prière. Donc vous avez ça. Donc ça, c'est fait partie des piliers de l'islam. Après, vous en avez d'autres. Qui est... Alors... Après, vous avez un autre pilier, c'est le Ramadan. Le Ramadan aussi, c'est un moment super important pour les musulmans. C'est un moment, ça se passe sur un mois, cette période-là. Alors, ce Ramadan, ça se situe au calendrier égyrien. C'est le seul mois, en fait, dans le Coran qui apparaît au niveau du texte. Donc, c'est-à-dire, je pense que c'est important. Le Ramadan, c'est quoi? C'est en fait, vous ne pouvez ni manger, ni boire, ni fumer, ni avoir de rapport sexuel. En fait, du moment où l'aube, non, du moment où le soleil commence à se lever et jusqu'à ce qu'il se couche. Cette période-là, vous pouvez rien, vous pouvez pas faire ces trucs-là. Et en gros, en fait, le seul moment où vous pouvez faire ça, c'est le moment où le soleil. Là, vous pouvez commencer à manger, à boire et faire un repas. Alors, le Ramadan, c'est pareil. Vous avez des heures, parce qu'en fait c'est calé par rapport au calendrier lunaire. Donc par rapport au calendrier lunaire, à chaque fois vous avez bah, sur des sites, vous pouvez trouver justement les horaires pour savoir à quand vous commencez, quand vous finissez, etc. Donc toutes les données. C'est un moment justement pour les musulmans où vous faites la reconnexion avec logiquement Allah. Donc c'est aussi c'est un moment en fait voilà, où vous en famille, où vous faites beaucoup plus de prières que d'habitude. Vous avez prié beaucoup plus que les autres mois. Et vous essayez de voilà, c'est un moment où vous essayez de vous rapprocher plus avec une façon plus importante par rapport à Allah. Donc c'est un des piliers pour tous les musulmans. Pour l'avoir fait, je l'ai fait très peu, mais j'ai fait je crois pendant une semaine. Bon, je suis athée, mais j'essaie de le faire pour voir à peu près aussi ce que ça faisait. C'est super, c'est vraiment pas simple quand on n'a pas l'habitude de faire cette période. Parce que on va dire manger, on peut se passer de manger pendant une journée, mais pas boire pendant une journée, c'est assez dur à faire. Faut vraiment avoir, bah, on va dire, la foi et l'énergie. Donc, on va dire, ouais, on va dire, pratiquement, ceux qui font ces fêtes-là, chaque fois que je leur parle, pour eux, c'est vraiment un truc important. Du moins, c'est voilà, pour eux, c'est vraiment une période très importante de leur spiritualité, dans leur vie de l'année, au niveau de leur foi et de l'islam. Après, c'est pareil le Ramadan. Vous avez aussi des. Tout le monde devrait, tout le monde doit le faire. Après, vous avez toujours aussi des parties qui peuvent ne pas le faire. Le Ramadan ne peut pas être suivi par exemple, par des femmes enceintes. Les femmes enceintes ne doivent pas faire le Ramadan. Ouais, pour bébé, pour la femme, elle est enceinte, donc ça c'est logique. Les personnes âgées aussi peuvent ne pas faire le Ramadan parce qu'ils sont âgés, donc aussi ça peut être très dangereux pour eux de faire ces choses-là. Si vous avez pompe, si vous êtes très malade, donc si voilà, le Ramadan c'est pas aussi imposé pour tout dedans à le faire si on peut, si on a la santé, si on est bien et tout ça, on peut le faire. Après voilà, si on n'est pas bien, si on est enceinte, si la femme est enceinte, si on est en mauvaise santé, Là, c'est un truc, on peut se passer de faire le ramadan parce qu'il y a des circonstances derrière qui ne nous permettent pas de pouvoir faire ça. Voilà. Après, vous avez un peu comme les. Ça, c'est chez les chrétiens, c'est pareil, chez les. Je sais pas, sont juifs, je m'en rappelle plus. Vous avez aussi une partie où c'est l'aumône aux plus pauvres. Ça se passe après le ramadan, j'ai vu. Juste à la fin du ramadan, en fait, il y a une aumône qui est demandée. Donc, en gros, les fidèles doivent donner une partie, doivent donner de l'argent pour la communauté musulmane. Donc, c'est-à-dire, l'argent après ira, bien sûr, aux personnes en difficulté de la communauté pour les aider un peu à s'en sortir. Et donc, ça, c'est à peu près aussi comme chez les chrétiens. Vous avez aussi une partie comme ça qui est demandée. Ensuite, vous avez un autre truc important, c'est aller à la Mecque. La Mecque, c'est quoi? Après, je ne sais pas le terme, je vais mal le dire. C'est le pèlerinage. Vous avez à la Mecque, c'est une ville. En fait, à la Mecque, vous avez, moi j'appelle ça le cul noir, mais je crois en arabe ça se dit pas du tout comme ça. En gros, c'est un lieu important parce que je crois que c'est le premier temple. C'est déjà, premièrement, c'est la ville où Mohammed est né, le prophète Mohammed est né, c'est à la Mecque. Donc, symbolique très importante pour les musulmans. Et c'est aussi là où il y a le cul noir. Donc, ça, je crois, c'est aussi les premiers lieux au niveau de l'islam qui a été fait pour faire la foi musulmane. Donc au niveau syrique, c'est un lien important. Et en vrai, en fait, les musulmans doivent aller au moins une fois dans le... C'est aussi obligatoire. Bien sûr, bah, après, il y a aussi d'autres choses derrière à mettre. Donc c'est-à-dire, en fait, la Mecque, c'est... si vous avez l'argent pour, si vous avez le temps et de l'argent pour y aller, c'est obligatoire. Après, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas le temps, en gros, vous n'en voulez pas si vous n'avez pas la Mecque. Mais si vous avez de l'argent, vous avez du temps, si vous n'y allez pas, et ben là, c'est pas bien. Parce que en fait, c'est un des piliers de l'islam et c'est important de le faire. Et en gros, en fait, ce mouvement-là, c'est que justement les tubes noirs, la procession, c'est que à ce que j'ai vu, en fait, déjà, c'est avant d'aller au tube noir, vous avez des processions à faire, un chemin à faire. Et après, le tube noir, en fait, c'est que vous allez tourner autour du cul noir, je crois, 3-4 fois, je ne sais plus. Je crois, en premier, du moins, vous tournez autour du cul noir, en fait. Et après, vous partez du cul noir, et c'est un moment aussi super important pour les musulmans. Et ceux que je connais qui m'ont dit qu'ils l'ont fait aussi au niveau personnel, au niveau de la foi, ils vivent des choses assez profondes dans ce moment-là avec Dieu. Donc voilà, et ensuite, ça c'est les 5 piliers. Après, bien sûr, il peut y en avoir plus. Selon le courant, il y en a des fois qui peuvent mettre jusqu'à 10 piliers par rapport à l'islam. Après voilà, ça dépend aussi du courant de l'islam, du courant. Mais on va dire que les 5, c'est vraiment, en gros, c'est logiquement tous les musulmans font au moins les 5 piliers au niveau de l'islam. Doivent faire les 5 piliers. Donc voilà, 5 piliers, ça constitue la base chez tous les musulmans. Donc là, c'est un peu la partie historique que je vous lance. Après, bon bah, je vous invite à regarder aussi à parler avec des musulmans pour savoir eux s'ils ont à rajouter. Moi j'ai pas fait d'histoire là-dessus, donc c'est juste ces éléments. Après il y a beaucoup d'autres choses aussi à dire sur l'islam, mais j'ai pas toutes les infos. Ensuite, par rapport à, après j'ai parlé un peu plus de choses un peu plus problématiques, par exemple, par rapport au voile. Le voile aujourd'hui beaucoup critiqué. On a une beaucoup, on va dire, de discrimination, de racisme par rapport à ça. Le voile au niveau du Coran, c'est très imprécis dans le texte. Le seul moment où on va parler un peu de voile, c'est par rapport aux femmes du prophète et les femmes qui eurent subir en fait, des violences parce qu'ils soutenaient le prophète Mohammed. Et les femmes de Médine, c'était un moment aussi où il y avait des courants qui s'affrontaient au niveau de l'islam, où on a eu des morts, où des courants ont tué d'autres courants. En gros, des parties un peu sombres où il y a eu des meurtres entre des califes. Par exemple, je crois que c'était le moment, voilà, où il y a le quatrième calife qui a été tué par des opposants justement qui n'avaient pas la même vision du Coran du prophète. Et donc je crois que c'est au moment de Médine. Et après le seul truc aussi à voile qu'on dit dans le Coran, c'est en fait c'est juste, on parle du voile juste par rapport à la poitrine de la femme. Donc il y a juste, on va juste se dire que en fait les femmes doivent se protéger la poitrine avec un voile et pas la montrer au public. Donc on va dire, voilà, sur le Coran, il n'y a pas d'autres choses à mettre. Ces infos-là, je ne les tiens pas de moi-même. Ça, je les ai prises par rapport à des gens qui sont pratiquants et qui ont lu le Coran. Donc eux, c'est ce qu'ils me disent. Donc je leur fais confiance là-dessus. Donc ça montre en fait qu'il n'y a aucune obligation de le porter. réel. Après, je pense qu'en fait, le voile, c'est comme partout, c'est selon la culture, selon la pratique qu'on met dedans, et selon l'évolution de la spiritualité aussi, chez les musulmans. Et après, pour finir, en fait, c'est aussi ce que je voudrais dire, l'islam, c'est à peu près comme les chrétiens et les juifs, ou même les gens non-croyants, c'est que vous avez beaucoup de Coran dedans, beaucoup de pratiques, parce que les pratiques, c'est selon la culture, selon le pays, il y avait beaucoup de, voilà, beaucoup de liens à faire et beaucoup de paramètres qui ont joué sur la pratique de l'islam dans un courant. Donc aussi, après, ce qui m'énerve, c'est qu'au niveau du politico, on va présenter très peu, en fait, la diversité, justement, de cette conviction-là, qui est très intéressante aussi. Et donc, j'invite tout le monde, en fait, à aller parler aux musulmans, à leur demander comment ils voient leur conviction, et vous verrez qu'en fait, chacun voit une conviction très différente, a une pratique de l'islam très différente, selon aussi, lui, comment il ressent l'islam, comment il l'a vécu, et son histoire qu'il a avec l'islam. Donc, voilà, et ensuite... Donc sur l'islam, je vais dire ça. Après, je vais vous parler sur la laïcité. Est-ce qu'il y a trois de bouts du peuple qui peuvent venir pour le texte? Si vous avez deux personnes de deux bouts du peuple. Alors en fait, là, en gros, je vais vous présenter quelque chose. Laïcité, en fait, c'est le cadre français qu'on a au niveau juridique. Ouais. En gros, comment je vais vous présenter ça? C'est que j'ai un texte qui est les paroles au niveau au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire que là, il n'y a pas tout qui est mis dedans, mais là, c'est une partie des discours par les penseurs de l'époque par rapport à la liste. Donc là-dessus, vous avez Aristide Briand, vous avez Émile Combes, vous avez Pie X qui était le pape de l'époque. Puis je vais aussi partir un peu aussi sur l'explication du texte et sur deux trois mots qu'il y a dans le texte qui sont très intéressants par rapport au débat d'aujourd'hui. Vous avez un bout aussi Jean Jaurès. Donc je vais vous voir l'historique de la loi, ce qui s'est passé avant, après, comment on est venu à faire cette loi-là en 1905, et après le cadre juridique en France, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi en France, qu'est-ce que la laïcité qu'on applique en France. Tu veux faire lequel? Tu veux faire quoi? Moi j'ai bien envie de faire un petit pidis. Et si chacun fait un personnage? Ouais, bah il y a Briand, Combes, moi je vais faire Pilis et après t'as un bout de Jean Jaurès. T'as trois exemplaires? Tu veux faire Jean non, Jaurès? justement j'ai pas trois exemplaires. Jaurès. Ça va? Tiens. Et après t'as un recto verso. Oui, mais attends, on lit quoi? Bah là c'est le texte là en fait. Ça, tout là, ah, c'est tu du veux? discours. Alors, c'est un discours d'Aristide Briand. Le 10 février déclarait à une forte majorité que les circonstances ayant rendu inévitable la séparation des Églises et de l'État, la discussion et le vote de cette réforme s'imposaient de toute nécessité dans cette session même. C'est un engagement solennel pris en pleine connaissance de cause. Depuis, la situation s'est-elle modifiée? Non, messieurs, elle est restée identique, identiquement la même. Les difficultés avec Rome ne sont pas aplanies, car elles tiennent à des raisons profondes sur lesquelles pas plus le Saint-Siège peuvent transiger. Hein, quand on se place au point de vue de l'exécution courante du Concordat, on se trouve en présence d'une situation inextricable. Là encore, toutes les causes de conflit persistent. Pour la République, en effet, les principaux, je devrais dire tout le Concordat, sont dans les articles organiques. Or, ces articles, Rome ne les a jamais reconnus. Toujours, à toutes les époques, elle a déclaré les tenir pour nuls et non avenus. D'ailleurs, la doctrine fondamentale de l'Église s'oppose formellement à ce qu'elle les reconnaisse jamais. C'est à la terre originelle de cette convention interlope, née dans la contrainte et dans la ruse, c'est de cet équivoque qu'ont surgi toutes les difficultés du passé, et elle porte en elle, comme une menace permanente pour l'avenir, le germe des innombrables conflits. Vous me direz que pendant 34 années, la République a pu s'accommoder de ce régime, c'est vrai. Mais au prix de cette concession brillante, de cette concession humiliante et de combien de capitulations de principe? Je conviens qu'avec un pape comme Léon XIII, pardon, qui était un diplomate avisé et fin, sachant assouplir la politique de l'Église aux difficultés de son époque, la situation aurait pu se prolonger longtemps. Quoique dans une. Avec. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, d'érable équivoque. Mais avec Pie X, tout épris d'absolutisme religieux. La rupture devenait inévitable. Le concordat devait rester trop étroit pour contenir tous les mouvements un peu désordonnés d'une foi si vive et agissante. Aussi, les du nouveau pape ont-elles été pour l'affranchir d'obligations gênantes. Mais cet effort devait se briser contre la fermeté républicaine d'un chef de gouvernement qui n'entendait pas laisser compromettre entre ses mains les droits et la dignité de l'État laïque. Il est résulté, vous savez, je n'ai pas besoin de vous rappeler les événements. Vous les avez pour ainsi dire vécus et vous avez pris votre large part de responsabilité. Par la suite de violations successives et pour ainsi dire systématiques du Concordat, les relations avec Rome ont dû être rompues. Vous avez approuvé leur plus par la suppression du crédit de l'ambassade auprès du Vatican. Vous avez signifié clairement que vous vous opposiez à toute reprise des relations avec le Saint-Siège. Poussé par la logique même de ces premiers votes, vous êtes allé encore plus loin. Le mois dernier, vous avez appelé une solution rapide que la seule qui fût à la fois raisonnable et conforme aux intérêts et à la dignité de la République, c'était la séparation des Églises et de l'État. Donc, Émile Combes. Il est étrange, il est véritablement incompréhensible qu'un projet de loi si longuement et si mûrement étudié ne dise pas qu'il y a une importance extrême, capitale, le port du costume ecclésiastique. Cette omission est-elle voulue ? En tout cas, elle a surpris bien des gens dans tous les camps. Pour tous les républicains, pour nombre de catholiques et pour nombre de prêtres, il est clair dans leur pensée qu'aussitôt le nouvel ordre des choses établi, aussitôt votée la loi de séparation, le costume ecclésiastique, s'il n'était pas radicalement aboli, serait rangé parmi les vieux accessoires démodés et hors d'usage, disparaîtrait des places publiques et ne sortirait plus de l'ombre des sphères. Est-ce que par hasard la Chambre estime indigne d'elle de s'occuper de tels détails ? Veut-elle laisser libre le port de la soutane ? Dans les premiers siècles de la chrétienté, les ecclésiastiques s'habillaient comme tout le monde. Et ce n'est que plusieurs siècles après, la naissance de la religion nouvelle qu'ils jugèrent à propos de se différencier des autres citoyens. Pourquoi maintiendrait-on aux ecclésiastiques le privilège de conserver et de porter un costume qui jure si étrangement et les goûts modernes ? Sous le régime que nous allons installer, alors que l'État se sera installé dans la neutralité la plus absolue, serait-il possible que nous aurions quand même le port d'un costume spécial ? Il importe d'autant plus de statuer sur ce sujet que le costume ecclésiastique soulève des causes et donne lieu à des polémiques. Ce costume favorise l'autorité sur une partie de la population, et c'est précisément une des raisons principales pour lesquelles l'Église attache au costume de ses ministres une telle importance. Par l'effet du costume qui les sépare et les distingue du vulgaire, reste aux yeux des fidèles. Et c'est là ce que veut l'Église, comme autre chose et plus que les hommes. Le prêtre se considère comme l'intermédiaire entre Dieu et la créature. D'un mot, il peut absoudre, d'un mot, il peut réaliser les plus inouïs des miracles. Faire descendre son Dieu dans un morceau de... Le costume religieux n'est-il pas essentiellement un emblème ? Son port n'est-il pas au premier chef une manifestation confessionnelle ? Les choses de la conscience dans la conscience. Tel est bien l'esprit de la loi que nous élaborons. Mais là, ce sont les choses de la conscience dans la rue. D'autre part, vous avez pu être témoin des manifestations diverses que provoque assez souvent dans nos villes le passage d'une soutane. Ils exposent les prêtres à de désagréables surprises. Eh bien, ne devons-nous pas empêcher que cet état de choses... En Suisse, en Angleterre, en Amérique, les ecclésiastiques s'habillent comme tout le monde. Libre à chacun de s'habiller comme il lui plaît. Voilà qui paraît simple et facile. Oui, quand vous aurez ôté à telle ou telle façon de se vêtir sa signification ou son prestige... Le prêtre, obligé de sortir en soutane, est aussitôt remarqué. Ses moindres démarches sont connues et supprimer le costume, et aussitôt, le prêtre, devenu une unité ordinaire dans la foule immense, échappe à son supérieur, s'évade de cette tyrannie de tous les instants. Le costume le rend prisonnier de sa propre ignorance, je dirais presque de sa propre bêtise. C'est à cause de la distance entre les séculiers et les ecclésiastiques. Voyez ce jeune prêtre qui passe dans la rue. Son regard est timide, presque fuyant. Son pas est lent et compassé. Sa tête est penchée sur l'épaule. Ses mains, qui se perdent dans de larges manches, sont croisées sur sa... Est-ce un homme ? Il y a des prêtres, je le reconnais, qui pour rien au monde ne consentiraient à quitter leurs habits. Mais pour un plus grand nombre d'entre eux, et ce sont les plus intelligents, les plus instruits, ils attendent avec anxiété cette loi qui les rendra libres, de ce cerf, de cet esclave, faisons un homme. C'est ce que je vous demande au nom de la logique, au nom de l'humanité. Bon, bah, à nouveau Aristide Briand. Au risque d'étonner l'honorable monsieur Combes, je lui dirai que le silence du projet de la loi au sujet du costume ecclésiastique si fort n'a pas été le premier résultat d'une omission, mais bien celui d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la commission que ce serait encourir pour un résultat plus que problématique le reproche d'intolérance, s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans un pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes de modifier la coupe de leurs vêtements. Ce que notre collègue voudra soutane, c'est le moyen qu'elle procure de se distinguer si facilement des autres citoyens. Mais la soutane, une fois supprimée, si l'Église y trouvait son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau, pour permettre au premier coup d'œil un prêtre de tout autre citoyen. Quant au prestige dont jouit la religion dans nos campagnes, je crois qu'il serait téméraire de l'attribuer uniquement à la soutane. La commission a pensé qu'en régime de séparation, la question du costume ecclésiastique ne pouvait plus se poser. Il devient dès le lendemain de la séparation un costume comme un autre. C'est la seule position qui nous est parue conforme au principe même de la séparation. Alors moi, c'est le discours de Pidis, c'était le pape de l'époque. Et c'est très intéressant comme texte. Alors, vénérable frère, bien-aimé fils, salut, bénédiction apostolique. Notre âme est pleine d'une douloureuse sollicitude, et notre cœur se remplit d'angoisse quand notre pensée s'arrête sur vous. Et comment pourrait-il être autrement ? En vérité, à la veille de la promulgation de la loi, qui en brisant violemment les liens séculaires par lesquels votre nation était unie au siège apostolique, créa l'Église catholique en France digne d'elle et lamentable à jamais. S'il fallait séparer l'État de l'Église, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Mais en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux. Elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu. Le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines. Il les conserve dans l'existence comme il nous soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. En outre, cette thèse est la négation surnaturelle. Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques. Elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle. Cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant, l'ordre présent des choses qui se déroulent dans le temps, se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu. Non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais doit encore nous y aider. Est-ce bouleversante également l'ordre très sagement établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Ces deux sociétés, la société religieuse et la société civile, ont en effet les mêmes sujets, quoique chacun d'elles ait son autorité sur eux. Il en résulte forcément qu'il y aura bien des matières dont elles devront connaître l'un et l'autre, comme étant de leur ressort à tous les deux. Or, qu'entre l'État et l'Église, l'accord vienne à disparaître et que ces manières communes pollueront facilement les germes des différents, qui deviendront très aigus des deux côtés. La notion du vrai en sera troublée et les âmes remplies d'une grande anxiété. Enfin, cette thèse inflige de grands dommages à la société civile elle-même, car elle ne peut prospérer ni durer longtemps lorsqu'on n'y fait point sa place à la religion, règle suprême et souveraine maîtresse quand il s'agit de droits de l'homme et de ses devoirs. Aussi, les pontifes romains n'ont-ils pas cessé, suivant les circonstances et selon les temps, de réfuter et de condamner la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État. Notre illustre prédécesseur Léon XIII, notamment à supposer ce que devraient être, suivant la doctrine catholique, les rapports entre les deux sociétés. Entre elles, a-t-il dit, il faut nécessairement qu'une sage union internes interviennent. Union que peut non sans justesse comparer à celle qui réunit dans l'homme, l'âme et le corps. L'opération est particulièrement funeste et injuste en France. Que si en se séparant de l'Église un État chrétien, quel qu'il soit, commet un acte éminemment funeste et blâmable. Combien n'est-il pas à déplorer que la France se soit engagée dans cette voie alors que notre nation, elle n'eût dû y entrer. La France, disons-nous, qui dans les cours des siècles a été de la part de ce siège apostolique le jet d'une si grande et si singulière prédilection. La France, dans la fortune et la gloire, ont toujours été intimement liées chrétiennes au respect de la religion. Le même pontife, Louis XIII, avait donc bien raison à dire « La France ne sera jamais oubliée que sa providentielle destinée l'a unie au Saint-Siège, par des liens trop étroits et trop anciens, pour qu'elle veuille jamais les briser, non c'est ses vraies grandeurs et sa gloire la plus pure. Troubler cette union traditionnelle serait enlever à la nation elle-même une partie de sa force morale et de sa haute influence dans le monde. Les liens qui consacraient cette union devaient être d'autant plus inviolables qu'ainsi l'exigeait la foi jurée des traités. Le concordat passé entre le souverain pontife et le gouvernement français, comme du reste de tous les traités du même genre, que les États conclus entre eux, était un contrat bilatéral, qui obligeait des deux côtés le pontife romain d'une part et de l'autre, s'engagèrent donc solennellement, tant pour eux que pour leurs successeurs, à maintenir inviolablement le pacte qui signifiait. Il en résultait que le concordat avait pour règle la règle de tous les traités internationaux, c'est-à-dire le droit des gens, et qui ne pouvait en aucune manière être annulé par le fait de l'une seule des deux parties ayant contracté. Le Saint-Siège a toujours observé avec une fidélité scrupuleuse les engagements qu'il avait souscrits et de tout temps il a réclamé que l'État fît preuve de la même fidélité. C'est là une vérité qu'aucun juge impartial ne peut nier. Or aujourd'hui, l'État abroge de sa seule autorité le pacte solennel qu'il avait signé. L'étranger sentit la foi jurée et pour rompre avec l'Église, pour s'affranchir de ses amitiés ne reculant devant rien. Il n'hésite pas au siège apostolique l'outrage qui résulte de cette violation du droit des gens qu'a ébranlé l'ordre social et politique lui-même, puisque pour la sécurité réciproque de leurs rapports mutuels, rien n'intéresse autant les nations qu'une fidélité irrévérée sacrée des traités. Émile Combes. Adèle, je crois que c'est toi, Émile Combes. Après, on a Jean Jaurès, il va arriver. Après, c'est toi. L'Église, danger politique et social, doit être combattue de toutes les façons. Et je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église le combat décisif, on nous demande de déposer les armes et d'offrir à l'Église un projet dit libéral. C'est un obstacle permanent au développement social de la République et à tout progrès vers la civilisation. Il est temps que ce grand mais obsédant problème des rapports d'État soit enfin résolu pour que la démocratie puisse se donner tout entière à l'œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine que le prolétariat exige. Il faut que dès la rentrée d'octobre soit discuté l'impôt sur le revenu. Il faut que dès le mois de janvier soit discutée et votée la loi sur les retraites ouvrières et aussitôt après ce vote s'ouvrira le débat sur la séparation de l'Église et de l'État. Il faut que la séparation dès le premier mois de 1905. La République doit demeurer laïque et sociale. Elle saurait rester laïque si elle s'est restée sociale. Non, elle saura rester laïque si elle s'est restée sociale. Acide brillant, t'as encore un dernier paragraphe. C'est qui? Ah oui, c'est vrai que c'est toi, Récit Brillant. Donc là, on finit par Récit Brillant, t'as ça. Voilà le moment venu où la République française s'apprête à s'affranchir de l'Église et l'Église s'affranchir de la République. Si étroits furent les liens entre ces deux autorités, qu'il semblerait qu'une fille soit en train de quitter sa mère, à la fois dans la douleur de la rupture et l'autonomie propre à l'âge adulte. Nous étions désireux de faire accepter la séparation par les nombreux catholiques de ce pays. Nous n'avons pas oublié un seul instant que nous que nous légiférions pour eux et que les sciences exigeaient de la loi une consécration conforme à l'équité. C'est donc dans cet état d'esprit que nous avons entrepris et réalisé cette grande réforme. Et la loi que nous avons faite est finalement dans son ensemble une loi libérale. Dans ce pays où des milliers de leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. Ce mot a paru extraordinaire à beaucoup de républicains qui se sont émus de tous voir préoccupés de rendre la loi acceptable. Nous n'avons pas le droit de faire une réforme dont les conséquences puissent ébranler la République. Eh bien, je dis que nous l'avons réalisé, laissant aux catholiques, aux protestants, aux israélites ce qui est à eux. Nous leur accordons la jouissance gratuite et indéfinie des églises. Nous leur offrons de pleine liberté d'exercer leur culte, sans autre limite que le respect de l'ordre public. Permettons aux associations organisées en toute indépendance avec des fiscalités plus larges que celles du droit commun. Ne prenant à l'égard des ministres d'autres préoccupations que celles qu'ils devraient être eux-mêmes les premiers à y approuver. Ils sont réellement guidés par l'intérêt de la religion et non pas par les préoccupations. La loi que nous aurons faite ainsi sera une loi de bon sens et d'équité, combinant justement les droits des personnes et l'intérêt des églises avec les intérêts et les droits de l'État, que nous ne pouvions pas méconnaître sans manquer à notre devoir, pour sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme qui tous ont été respectés. Je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme, qui figure depuis 34 ans au premier plan du programme, aura pour effet désirable d'affranchir ce pays d'une véritable hantise, sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé d'autres questions importantes, d'ordre économique ou social. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine d'autres réformes essentielles. Mais pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnait pas le signal des luttes confessionnelles. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât exprimer librement. Nous l'avons fait de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer autre prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses qui va se substituer au régime concordatiste. Elle pourra s'en accommoder. Il ne met pas en péril sans existence ni assise dépend du maintien du concordat. Si elle est indissolublement liée au concours de l'État, c'est que cette vie est factice, artificielle. C'est qu'alors, en réalité, l'Église catholique est déjà morte. Merci. Merci à Poteau de m'avoir aidé. Donc là, déjà, vous avez plusieurs personnages. Je vais vous présenter un peu les personnages. Vous avez un, c'est Brillant. Il est né dans une famille protestante. Il a une vie catholique, mais c'est un athée de conviction. Donc, il ne croit pas en Dieu. Vous avez Comblut, qui est un chrétien. Vous avez Jaurès, qui est un athée. Et vous avez Pie X, qui est le pape, qui représente le pape de l'époque. Alors déjà, pourquoi je vous ai donné ce texte, essayer de vous faire montrer ce texte, parce que dans le texte déjà, ça montre que le débat qu'on a aujourd'hui, ça restait il y a 100 ans, on a eu à peu près les mêmes débats, que c'était à peu près les mêmes choses. Après aussi un truc par rapport au voile que je parlais tout à l'heure, on voit que le voile, en fait, on nous dit que c'est un problème aujourd'hui, mais avec justement la soutane, la soutane, c'était pas un voile, mais pour les chrétiens. La soutane, c'était un moment pour les chrétiens, c'était les femmes qui rentraient dans l'église devaient mettre la soutane pour rentrer dans l'église pendant leur culte. Et c'était un truc aussi à l'époque qui était fait en pratique. Et on voit donc qu'il y a pas que la soutane est parlée et que ce débat-là vient sur la loi. Donc dire par exemple que le voile, ça fait que depuis maintenant qu'il y a les problématiques, ça fait plus de 100 ans qu'on en parle. Et les politiques en ont parlé depuis 100 ans. Donc déjà, ça, c'est un argumentaire. Je pense que ces gens-là, faut qu'ils étudient un peu l'histoire, de la loi, et qu'ils verraient qu'ils se trompent fortement en donnant cet argumentaire-là. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant, c'est P10. Parce que ça, c'est pareil, quand on tape, c'est très bien de taper sur. On tape beaucoup sur Daesh, et quand on voit déjà P10, on voit que c'est le discours de Daesh d'aujourd'hui. P10 a fait le même il y a plus de 100 ans. Donc, il faut aussi que les chrétiens, je pense, se rappellent qu'à un moment, il y a plus de 100 ans, le pape était bien, bien radical et voulait largement imposer le christianisme à tout le monde, et l'islam pour tous les peuples. Donc, en fait, par tous ces aspects-là, je trouve que ce texte est très intéressant. Il remet aussi un peu en lumière l'historique et un peu les discours qu'il y avait à l'époque. Voilà, et montre que aujourd'hui, certains argumentaires qu'on lance aujourd'hui au niveau des dépenses totalement, et voit qui, en fait, pour moi, n'ont pas étudié l'histoire justement du pays, du moins de cette loi-là, et n'ont pas regardé l'histoire qu'il y a eu avant. Parce que moi, en fait, je retrouve, voilà, les discours qu'on a aujourd'hui, je trouve qu'il y a 100 ans, les discours que là que j'ai donné, qu'on a mis en avant, en fait, pour moi, c'est les mêmes, on est sur les mêmes problématiques, rien n'a été réglé en 100 ans sur ces thématiques-là. Et voilà. Donc il y a ça. Ensuite, après, pour parler un peu de la loi, là, plus de la laïcité. Donc la laïcité aussi, c'est une loi qui n'a pas les mêmes cadres de loi au niveau anti. On n'a pas le même cadre de loi. Aujourd'hui, c'est un cadre spécifique en France. Au niveau de la loi, déjà, pourquoi la laïcité est venue? Je vous apprends hein, déjà que l'État français, le dernier roi, c'était le droit divin. Donc on était sur un État où le culte, on va dire, la croyance chrétienne était importante en France, et que le roi était du droit divin. Donc on va dire qu'il n'y avait aucune réelle séparation entre l'Église. L'Église ingérait largement dans l'État, par l'histoire du pays et par ce fait-là. Et donc, ce qui fait qu'en fait, la loi 1905, ça aussi, ça règle un conflit de 100 ans. Là, je vais vous donner à peu près le début, pourquoi cette loi a été amenée. En fait, en 1804, la France a fait un. Bah, justement, vous avez le Concordat qui est mis en mot là-dedans. Le Concordat, en fait, c'est. Un traité qui a été passé entre l'État français et l'Église, donc le Vatican, qui a été fait en 1800, qui a été signé en 1802, pour encore en fait que l'État garde un lien avec l'État, avec le pontife catholique. Et qu'est-ce qui a fait que la loi est arrivée en fait en 1882. Il y a, je crois, ça vient de Jaurès d'ailleurs. Ou de Ferry, je ne m'en rappelle plus. Du moins deux, l'État applique une neutralité. C'est-à-dire que l'école devient laïque. Et en fait, à cette époque-là, on a en fait. Donc vers cette époque-là, en fait, en France, on a fermé 200 établissements catholiques. Et en fait, cet événement-là a fait que le pape a rompu justement le concordat. Donc a rompu le traité avec la France, et que quand il y a eu rupture de ce traité là, vous avez deux courants qui étaient les personnes encore en croyant qui voulaient que l'État reste encore des rapprochements avec l'Église, et d'autres qui étaient plus sur un courant républicain à dire en fait séparation Église-État. Et ce qui fait qu'il y a eu un gros, on va dire au niveau national, il y a eu un gros conflit sur ces questions là, et qui fait qu'en 1905, bah, avec ce conflit là, ils ont dû à un moment statuer sur un cadre juridique en France. Donc ça venait caduque. Donc ce qui fait que donc en 1905 il y a eu cette loi qui est arrivée. Donc c'est justement pour arrêter pour un peu stopper le conflit au niveau national par rapport à ce concordat là et par rapport à l'Église. Et là dans rien que dans le texte, vous voyez aussi beaucoup de divergences d'opinion entre tous ces personnages là et les argumentaires qu'ils mettent pour contre cette loi là. Donc la laïcité, ça a été fait en 1905. Dans le courant qu'a gagné, ça va être je crois que ouais, c'est Aristide qui a gagné sur la loi. Donc on va dire que c'est son courant qui a passé au niveau de la loi. Et cette loi-là, c'est quoi? C'est en gros déjà premièrement c'est droite, on va dire. Droit à chaque population de croire appliquer sa loi. Ok, mince, moi j'aime. Yes. Bon, sinon je suis une vite fait, je me rouille sur la. Ok. Bon, bah après, je ferai l'autre, je finirai après l'autre à la suite. Donc, ce toit-là veut dire croire, pas croire, vous avez le droit de pas croire et de croire, de pratiquer comme vous souhaitez. La seule notion qu'il y a là-dedans, c'est l'ordre public. Donc, vous ne gênez pas l'ordre public au niveau de vos convictions, vous la vivez à la façon que vous voulez. Ensuite, devoir de neutralité des agents publics. Et ça, bien sûr, ce devoir de neutralité n'est pas appliqué sur les usagers du service public, mais juste sur les agents. C'est-à-dire que dans d'autres pays, vous n'avez pas cette neutralité-là qui est mieux de la loi. Au niveau de la France, un agent de l'État public n'a pas le droit de se mettre en, n'a pas le droit d'avoir un vêtement, n'a pas le droit de montrer sa conviction aux personnes. C'est, il a le devoir de neutralité. Et ça, c'est un cadre bien français. Vous avez, donc neutralité, croire, ne pas croire, pouvoir pratiquer. Après voilà, séparation de l'Église et de l'État. Donc là, ça veut dire que l'Église ne peut plus intervenir dans les lois françaises et n'a plus d'autorité pour interdire dans le cadre de la loi. Après, je vais revenir sur deux lois qui ont été faites il n'y a pas longtemps. Vous avez la loi de 2004 qui a été mise. C'était la loi n'avait rien un peu à voir avec la laïcité, mais pas trop. C'est la loi que les jeunes, les personnes mineures dans le service, dans l'école n'ont plus le droit de porter des signes ostentatoires, mais sont obligés de porter maintenant des signes discrets. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir encore une petite croix, mais ils ne peuvent pas porter le voile. Des mineurs ne peuvent plus porter le voile. C'était mis dans un cadre où on essaie de les protéger, de ne pas mettre la pression sociale par rapport à la conviction au niveau d'eux. Justement, un peu leur laisser un peu aussi le choix, et de, quand ils sont majeurs, en fait, faire leur propre idée sur ce parti-là. Et la SWAT 2010, qui n'a rien à voir par rapport à la cité, là, qui est une loi plutôt de sécurité, qui est que toute personne, les personnes doivent avoir le visage découvert. Les burkas sont interdits en France, les cagoules et les casques ne peuvent plus être mis parce que c'est un problème de sécurité plus. Et là, vous avez en fait juste ces deux lois-là, ces deux lois-là qui sont passées par rapport un peu à la laïcité. Et après, je vais laisser l'autre intervenant parler. Et puis je reviendrai sur la laïcité un peu. Et là, je reviendrai sur les discours dominants, les contre-argumentaires que je peux passer dessus. Sur ce que je m'appelle tout à l'heure, je pense que sur mes dires, j'ai assez dit et j'ai montré le contexte historique et tout le reste. Maintenant, on va passer sur la partie la plus débat, donc c'est-à-dire, je vais donner un peu les discours dominants, la pensée dominante, on va philosophe et penseur, sur justement la laïcité et puis aussi sur les convictions en France. Alors déjà, vous avez sur le voile, vous avez plein d'argumentaires que je vais détruire, bien sûr, qui est très drôle, qui est déjà un argumentaire où on lance par rapport au voile que en fait, faut le retirer parce que au nom de l'émancipation des femmes, au nom du fait qu'en France, la femme est émancipée, elle a pas le droit de porter ça. Donc, c'est-à-dire que ceux qui en fait le portent sont pas émancipés et qu'on est délivré par le voile, il faut retirer le voile parce que comme ça, on va les délivrer par l'émancipation. Donc il y a cet argumentaire là qui est totalement, je trouve, aberrant et débile. Premièrement, ça pose la question, c'est pour eux mettre le voile comme un vêtement qui n'émancipe pas. Je pense que le voile n'a rien à voir avec l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes, première chose, c'est que déjà il y a le patriarcat qui est bien dominant partout. Le patriarcat, c'est pas l'islam qui a mis le patriarcat, c'est né bien avant. Donc aussi, au niveau considéré qu'il faut un peu avoir une pensée, faut arrêter les raccourcis intellectuels. En fait, pour moi, c'est un faux problème et un faux argumentaire qu'on lance. Parce que si on veut vraiment émanciper une égalité homme-femme, salariale, retirer les normes qu'on impose aux femmes, voilà, plein de choses comme ça en fait. Et en fait, ça n'a rien à voir. Justement, les émancipations, par tous ces billets, on voit que le voile n'a rien à voir avec l'émancipation. C'est un faux argumentaire lancé. Et il y a aussi le fait qu'on lance un argumentaire en France, comme quoi, parce que en fait, des pays musulmans justement imposent le voile aux femmes. Ça qui est vrai. En fait, au nom du fait que des femmes sont imposées d'avoir un voile, en fait, en France, il faut interdire le voile parce qu'on montre un mauvais exemple ou parce qu'on n'émancipe pas. Donc ça, c'est pareil. En fait, c'est un argumentaire, je trouve, débile. Parce qu'en fait, le voile au niveau du Coran, il n'y a pas... le Coran n'impose pas le voile aux femmes, déjà, premièrement. le voile, c'est plus, en fait, au niveau de l'islam, c'est plus une conviction propre par rapport aux femmes. Vous avez pas à mettre le voile. Je pense que le mieux, déjà, c'est d'aller parler aux femmes voilées et leur demander pourquoi ils mettent un voile au lieu de leur faire chier. Et en fait, voilà, cet argumentaire n'a rien à voir. Et je pense que, justement, pour permettre aux pays plutôt maghrébins qui vont imposer le voile, moi, je dirais, c'est plutôt, en fait, justement, de montrer en France que le voile n'est pas un problème et que, en fait, ça devient plus une liberté par le fait qu'en fait, la femme l'a choisi. Et le fait que, je pense aussi que apporte ou pas un voile, ça ne change rien à sa conviction. Et que ce... Comment dire et qu'en fait, qu'on ait le voile ou pas, si la personne est croyante, a des convictions musulmanes, en fait, c'est pas le voile qui va lui faire qu'elle va manquer au Dieu, etc. C'est une façon de sa pratique. Et justement, avec la loi de laïcité, c'est on est bien... Ah, la loi laïcité a permis justement à tout le monde de pouvoir pratiquer dans, comme il voulait en France, et de aussi d'être croyant ou non croyant. Donc pour moi, déjà, cet argumentaire-là, en fait, partir même sur ces deux argumentaires-là, c'est déjà être contre la loi de laïcité. Pour moi, c'est on est en porte-à-faux avec la loi, le cadre juridique français, des discours ignobles et qui ont rien à voir avec le voile et qui sont des faux argumentaires. Après, ce qui est aussi très intéressant au voile, c'est que justement, dès qu'il y a des problèmes, on en parle pendant une semaine, le voile. Ce qui est très intéressant, c'est que généralement, quand on parle du voile en France, au niveau... Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a très peu de femmes voilées qui peuvent parler. Généralement, c'est des blancs qui vont parler. Il y a moins de 10% des intervenants qui sont des femmes voilées. Donc, en fait, il y a très peu de paroles des femmes qu'on voile et qui peuvent expliquer pourquoi elles le portent dans la conviction, pourquoi elles le portent et qu'elles s'y mettent derrière ce voile-là. Donc, déjà, je trouve ça, en fait, problématique en France. C'est qu'il y a beaucoup de penseurs qui parlent à la place des gens, en fait, qui portent le voile. Et qui ne sont pas les gens qui portent le voile, et pour moi ça c'est une problématique. C'est une groupe. Et aussi ce qui est justement aussi je trouve chaud et pour moi qui est très dangereux aussi, c'est que dans ces discours dominants, il y a aussi beaucoup des fois de personnes qui viennent du Maghreb ou des gens justement et qui vont réutiliser les termes des blancs et de la suprématie blanche pour expliquer en fait ces argumentaires là. Et ça je trouve ça en fait dangereux aussi que ces personnes là en fait commence à avoir ce discours-là par rapport aux femmes voilées, parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est légitimer le fait qu'on a le droit de taper des femmes parce qu'ils ont un voile, ou on a le droit d'exclure des femmes parce qu'ils ont un voile. Et je trouve ça très choquant, moi, de leur part qu'ils puissent avoir ce discours-là, alors qu'ils sont justement en France et qu'il y a un cadre de laïcité qui leur permet, eux, de ne pas porter le voile. Au nom de ça, ils vont donner des faux argumentaires sur le voile. Donc il y a ça. Après, aussi, ça, c'est un algaman. Et ça, c'est ce que un terme aussi que je voulais aborder. C'est qu'au niveau du média, on fait souvent un raccourci, un amalgame entre terroristes et djihadisme et djihad. En fait, pour il faudrait qu'ils apprennent ce que c'est le djihad en termes arabiques. L'arabique en djihad, ça veut dire travail sur soi dans le but de se rapprocher, on va dire, de Dieu. Donc en fait, ça a très peu de rapport avec prendre des armes, à part que dans le djihad, il y a beaucoup de de vivre le djihad. Et dans le djihad, il n'y a qu'une seule fois, on va dire, un djihad par les armes. Dans tous les autres djihad, il n'y a pas la notion de prendre des armes et d'aller tuer des gens par rapport à sa conviction. Après, c'est pareil, je pense qu'il faut prendre ces termes-là aussi dans le contexte. Dans le Coran, ça a été mis, parce que aussi, quand l'islam est né, c'est comme toutes les religions, elles se sont fait taper dessus. Et c'était pas très, les gens n'accueillaient pas trop bien l'islam. Donc il y a aussi cette partie-là dans le Coran, je pense que c'était plutôt par rapport au début. À dire en fait défendez-vous prime par rapport à votre conviction là. Donc voilà. Et en fait aussi pareil, ceux qui vont prendre les armes et ceux qui font du djihad par les armes sont une minorité par rapport à l'islam. Sont pas la majorité des gens qui croient à l'islam. Donc déjà aussi par ce biais là en fait je trouve que ça raccourcit très très intellectuel de fait d'utiliser cet argumentaire là. Donc voilà, après on a aussi ce que Zemmour utilise. C'est lui est pour l'assimilation en fait. L'assimilation, c'est quoi? En fait, c'est un fait que une personne qui va rentrer dans un pays doit effacer ce qu'il a en fait effacé son identité propre pour prendre l'identité du pays où il est. Et ça, c'est super chaud. Parce que en fait, c'est politiquement c'est dangereux Et pour moi, c'est une pensée totalement... Et c'est une pensée pour moi qui est autant du nazisme, c'est-à-dire qu'il faut mettre une norme, il faut que les gens soient tous comme ça, et qu'il n'y a pas de différence normée au niveau de sa conviction, etc. Ce qui est très drôle aussi, c'est que lui, il utilise ça par son histoire. Zemmour vient du Maghreb. Je crois que quand il était jeune, il a connu l'Algérie. Il était, je crois, quand les Français ont fait la guerre d'Algérie, je crois qu'il était sur l'Algérie. Et ce mec-là dit aussi qu'il est très heureux que la France est venue en Algérie. Ah, parce que ça l'a émancipé, parce qu'en fait, c'était des gros cons, et que c'est très bien que les Français ont mis leur belle cyprière dans un pays, et elle connaissait un pays. Alors lui, s'il a très bien vécu, c'est tant mieux. Sauf que j'oublie pas qu'aussi en Algérie, on a violé, on a tué, on a réprimé un peuple au nom juste au nom de ressources naturelles. Et que. Après, il y a. Zemmour utilise beaucoup aussi qu'il faut accepter toute l'histoire et la culture française. Ça aussi, ça me gave beaucoup son argumentaire. Parce que j'oublie pas que la France aussi, on a fait de la colonisation. On a débuté des peuples. Et que s'il est d'accord avec ça, c'est très bien. Il a qu'à faire ce qu'il veut. Sauf que moi, je suis pas d'accord avec cette culture, avec cette histoire de la France. Parce que je suis pas d'accord d'aller buter des peuples parce qu'ils pensent pas comme nous. Et c'est très bien aussi qu'on ait justement une diversité dans notre pays. Après, il y a aussi, on va dire, des discours sur être français. Là, je vais donner aussi ma pensée. Je pense qu'aussi, en fait, ça devrait être dans la constitution, en priorité sociale. Pour moi, en fait, les personnes qui sont français, pour moi, c'est, je mets aucunement la religion dedans, c'est que c'est quelqu'un qui va permettre de participer à la, on va dire, à la culture économique du pays, payer ses solidaires, parce que justement, dans le système de solidarité, que ça, c'est très bien. Et qu'en fait, pour moi, je trouve que toutes ces parties-là devraient être mises dans la constitution en France. Et donc, c'est-à-dire payer ses impôts, garder la sécu devrait être un droit constitutionnel, on ne devrait pas y toucher. Justement, en fait, parmi être français, je ne mettrai absolument pas la religion, etc. Parce que chacun sa religion, chacun sa conviction. Et pour moi, c'est pas, ça ne représente pas être français, d'être soit musulman, d'être soit chrétien, ça n'a rien à voir. C'est d'autres choses. Donc, ça aussi, c'est un argumentaire, je trouve, et qui ne veut rien dire. Alors après aussi, je dis tout ça, moi aussi ça me choque tous ces argumentaires-là parce que je pense aussi à l'histoire. Je rappelle que quand même le nazisme il est arrivé démocratiquement par les urnes, que justement tous ces discours-là, à ces temps de l'histoire, on a mis ces discours-là sur en place publique et que c'est aussi grâce à ça justement que... On va dire que je pense que un des paramètres que l'analyse, justement, ces discours-là, on a pu les entendre, qu'on les a normalisés, et qu'après, dans leur discours, en fait, ça pouvait passer crème et qu'ils s'en fait lire. Et moi, je trouve ça dangereux parce que j'ai pas envie que le FN passe en France. Et que ça me fait peur, en fait, de revivre ce qu'on a vécu en Seconde Guerre mondiale. Et par rapport à ça, en fait, justement, cette erreur-là, en fait, on l'a pas du tout comprise, donc on est en train de refaire la même connerie quand on lit le nazisme. Et je pense qu'il est important, voilà, qu'en place publique ou quand dans nos choses, en fait, qu'on parle d'une parole là-dessus, parce que j'ai pas envie du FN au pouvoir. Et voilà. Après, par exemple, sur l'islam aussi, je vais donner aussi le contexte. Par exemple, vous savez qu'en Chine, l'État chinois est en train de persécuter les musulmans là-bas. Ils ont mis des camps de concentration, comme les nazis et comme autant des communistes, que là-bas ils sont en train d'aller buter les musulmans, ils sont en train de les enfermer dans des camps pour l'imposer en fait de ne plus être musulmans et de renier leurs convictions religieuses. Donc ça aussi c'est grave et je trouve que c'est aussi dommage qu'en France qu'on n'en parle pas parce que pour moi. Et la Chine en fait refait le truc du nazisme, hein, c'est qu'ils sont en train de buter une communauté juste parce qu'ils sont musulmans. Donc voilà, après, peut-être j'ai plus réfléchi à comment justement on devrait faire pour moi pour régler ces problématiques-là, par le contexte historique que je voulais montrer tout à l'heure. Ces débats-là, ça fait pas depuis 10 ans qu'ils sont là, ça fait depuis très très longtemps qu'on a ces débats-là en France. Pour moi, les convictions, c'est pas un problème. Faire une société, justement pour moi, c'est plutôt une chance. C'est plutôt en fait une chance qu'on a justement cette diversité, cette philosophie, cette diversité de convictions, cette diversité de pensées. Et qu'aujourd'hui, en fait, au lieu de se mettre les uns contre les autres, on devrait la permettre d'avancer beaucoup plus loin. Et je vais donner un exemple, je suis passé dans une asso où justement on traite de ce sujet-là. On va avoir aussi des jeunes, on va avoir des jeunes en lycée, on va leur expliquer quelle est notre asso et ce qu'on fait concrètement. Et que en fait je vois justement par rapport à toutes ces sensibilisations qu'on fait, que les jeunes en fait ont besoin de parler justement de la religion, de leurs convictions. Que c'est important en fait que ce sujet-là soit plus tabou en France, mais qu'on en parle en place publique. Et je remarque aussi par tous leurs discours en fait que vraiment chacun a une pensée différente par rapport à sa conviction, et qu'aujourd'hui en fait justement on met trop d'amalgame dans le fait qu'on va présenter une conviction juste par rapport à une chose, et qu'en fait on montre pas justement cette diversité, cette pluralité de partout, et qu'aussi l'aspect, beaucoup la droite l'a fait, le FN, que dans leurs documentaires justement ils utilisent beaucoup parce qu'on est chrétien. Et que ça me pose aussi un problème, parce qu'en tant qu'athée, en fait, je ne crois pas en Dieu. Et en fait, je m'en fous qu'on soit chrétien ou pas, pour moi, ça ne va pas rentrer en compte. Ces argumentaires sont contre la laïcité, parce que l'État a un devoir de neutralité, et n'a pas à mettre une religion en avant par rapport à une autre. Et que, en fait, dans leur discours, en fait, dans le discours des politiques, ils sont tous à l'encontre de cette loi et de ce cadre juridique. Donc voilà, et c'est à peu près dans ce que je voulais finir tout à l'heure. Et donc, si vous avez des questions et tout ça, ou des choses à apporter, allez-y, le micro ne meurt pas. Je vais commencer rapidement dans la première partie de la journée. Tu as parlé des piliers de l'islam, dont le ramadan. Et tu as cité les cas où les gens sont dispensés de faire le ramadan. Je voulais en préciser un autre que j'ai découvert, c'est en lisant Ibn Battuta, donc un voyageur, philosophe plus ou moins arabe du XIIe siècle, qui, lors de ses voyages, ne faisait pas le ramadan, parce qu'en tant que grand voyageur, à l'époque c'était les voyages en bateau, en caravane, de chameaux, de dromadaires et autres, et donc les conditions étaient difficiles, et donc les voyageurs sont exposés au ramadan. Autre point, je viens de La Réunion, où l'islam est très présent, hein, c'est la deuxième religion de l'île avec 30%, le christianisme à 45% est la première. Et il n'y a jamais eu de problème de voile à l'école. Hein, entre autres au collège, je me souviens plus trop pour le primaire, mais au collège et surtout au lycée, une jeune fille arrivait avec son voile un jour, sans le voile le lendemain. C'était son affaire personnelle, ça ne dérangeait personne. Le problème se pose actuellement parce que ça a été légiféré. Et on commence à penser que le problème du voile, il a été fabriqué pour créer un autre problème. Et c'est le dernier point. Cette critique de l'islam, moi j'ai constaté qu'elle a pris son essor après la chute du mur de Berlin. Hein, on va dire que c'est conspirationniste, c'est une hypothèse strictement. À la chute du mur de Berlin, il n'y avait plus de bloc communiste. Le bloc de l'Ouest, donc, les États libéraux capitalistes, n'avaient plus de grand ennemi pour justifier qu'ils étaient les meilleurs. Ils en sont fabriqués un avec l'islam. C'est mon hypothèse personnelle. Ouais, en fait, je trouve que c'est totalement ça, c'est comme tu dis, c'est bon, je vais reprendre la deuxième guerre, c'est voilà, aux États-Unis, on a tapé sur les juifs, et aujourd'hui, en fait, on tape sur les musulmans, c'est la même chose. En fait, on reproduit ce qu'on a fait au secondaire mondial, c'est-à-dire que maintenant, on a choisi les musulmans. Et en fait, comme tu dis, c'est, justement, c'est, je pense, c'est grâce au cadre et grâce peut-être à, je pense, grâce au cadre et grâce à la diversité qu'on vit en France, c'est qu'en fait, entre les gens, c'est pas un problème le vol. Le seul problème, en fait, c'est nos politiques, les réactionnaires de droite et d'extrême droite, qui veulent imposer le fait que, voilà, comme on est chrétien, en fait, on doit utiliser la normalité chrétienne pour imposer des choses en France. Et que ça, voilà, ça, c'est pas normal. Moi, je suis totalement contre. C'était pour réagir sur ce qui a été dit avant. J'ai lu un article il y a pas longtemps, mais qui en corroborait d'autres sur l'évolution des cartes de France et les cartes d'endroits dangereux, etc., qui venaient de l'ambassade des États-Unis. Enfin, qui venaient des États-Unis. Et c'est tout à fait dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que les attentats, terroristes, portés au nom de l'islam par certains groupes terroristes, suite à une occupation sur un territoire par des forces occidentales, bien souvent américaines, qui allaient justement à ce moment-là imposer quelque chose et aller contre l'islam ou contre qui était un contre-pouvoir pour eux. Donc Maintenant que tout ça a été bien nourri, c'est facile parce que l'ennemi, on peut l'identifier puisque il a attaqué les tours du World Trade Center, puisqu'il a fait ça, puisqu'il a fait ça. Et donc, maintenant, on dit, voilà, l'ennemi est là. Mais comme souvent, de toute façon, quand tu construis un ennemi par apparaître en tant qu'ennemi, parce qu'il finit par lui aussi, contre-attaquer. Et quand il contre-attaque, c'est très facile de dire, vous voyez, ça fait 30 ans qu'on avait raison. Qu'on vous dit qu'il faut qu'il disparaisse parce que maintenant il nous attaque. Bah oui, en même temps, si tu tapes sur quelqu'un pendant 10 ans... Donc voilà, la construction de l'ennemi, mais c'est tellement ça, c'est hyper simple et c'est exactement ça. Donc ça, sur ce point-là, moi je te suis absolument, il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens-là et qui sont écrites. Sur l'EFK, il y a quand même une sorte de contresens, mais qui se poursuit depuis, mais déjà avant, bien avant, sur la question du corps de la femme. Qui décide comment doit s'habiller, ne pas s'habiller le corps de la femme? Comment est-ce qu'il doit être montré? Et ça, c'est quelque chose qui parcourt depuis très longtemps. Et ce qui est quand même assez fort du point de vue occidental, c'est de dire, donc comme tu le dis très bien, à la place de la femme qui décide de mettre le voile, mais de dire, ça montre qu'elle veut être soumise. Alors déjà, c'est assez sympa de le dire dans le sens, parce que nous, on est émancipés. Comme si... Bref, on passe les détails là-dessus, mais on sait qu'on est passé par toute une histoire sur laquelle la femme avait très peu de droits. Mais justement, voilà, nous, on est passé par là, et maintenant qu'on est féministe, que la femme est émancipée, il faut qu'on explique aux autres qui sont encore soumises comment se libérer. Bon, bien entendu, c'est l'histoire coloniale. On connaît tout ça par cœur, c'est-à-dire on va aller sous-développer comment se développer. Enfin voilà, c'est un peu la même histoire qui se répète, mais ce point-là qui touche encore le corps de la femme, parce qu'après tout, c'est le voile qui fait polémique, mais ça aurait pu être quelque chose, ça aurait pu être, tiens, je donne un exemple, dit aux musulmans de s'agenouiller par terre. Ils auraient pu sortir un truc pareil, après tout, c'est visible. Si ça dérange, si c'est l'islam qui dérange, ça les dérangerait pareil, mais non. Il a fallu qu'ils aillent chercher quelque chose qui touche le corps de la femme. Et ça, c'est quand même... voilà. Pour ajouter à ce que tu disais sur aussi justement l'émancipation de la femme, et c'est assez marrant parce que donc, de porter un voile, ça voudrait dire qu'elle est soumise parce qu'elle cache son corps. Par contre, dire porter une mini-jupe ou justement avoir les cheveux à découvert et la dictature, j'ai envie de dire, en fait, du corps de la femme et de la femme qui doit être belle. Parce que c'est un peu ça aussi, c'est tu portes une mini-jupe, mais il faut avoir les jambes qui vont avec. Tu as les cheveux découverts, mais il faut avoir la belle coiffure. Et ça, quelque part, c'est une soumission aussi, en fait, à une autre norme, comme tu le dis, autre forme d'oppression qui est aussi correspondre à un modèle 2. Et pour moi, ça reste de la soumission, en fait. La soumission, elle n'est pas forcément, effectivement, dans le fait de cacher quelque chose. Le fait d'exposer du corps, mais que ce corps doive correspondre à une norme, c'est aussi se soumettre à quelque chose, en fait. Et pour de la laïcité, je trouve ça aussi intéressant, parce que c'est une discussion qu'on avait d'ailleurs, qui est que... on donne ce discours de la laïcité, qui est la laïcité, c'est donc censé être toutes les religions qui vivent, et pourtant, enfin, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la laïcité, on est dans de l'imposition d'une culture chrétienne. Si on devait être dans un état laïque, on arrêterait tous les fériés qui sont religieux, on ne donnerait pas du poisson le vendredi à la cantine, qui est quelque chose d'éminemment culturellement chrétien, quand même, catholique ou chrétien, mais chrétien, je pense, peut-être catholique, je ne sais pas, je ne suis pas assez pointu pour le dire, mais en tout cas, l'un des deux, dans une imposition d'une culture judéo-chrétienne. Donc on n'est pas du tout dans un état laïque. Enfin, voilà. Tu as raison. Et puis, je vais mettre même un autre argumentaire aussi pour la femme, parce qu'il y a aussi ça qui est beau, un argumentaire qui est lancé. Tu as raison. Regarde les jours fériés en France. Trois quarts des jours fériés, c'est par rapport aux chrétiens. Donc déjà, quand tu vois ça, il n'y a rien de laïque dans la société. Je fais, bon, il y a un petit problème aussi, parce que, bon, si on met les chrétiens, on peut aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre presque des fêtes aussi juives, musulmanes, pour dire fériés au nom de la laïcité, hein. Pour les trois quarts des trucs chrétiens. Donc là, déjà, rien que sur les jours fériés, ça pose aussi ça pose la question sur en fait que le fait qu'on met le christianisme au-dessus des autres religions. Et justement, dans le principe de laïcité, c'est que l'État n'a absolument pas à mettre de valeur dans les religions. C'est que logiquement, les religions se valent. Que ce soit les monothéistes, les polythéistes, non-croyants, etc. Tout le monde logiquement, tout le monde au même niveau. Il n'y a aucune religion qui doit être au-dessus. Et par rapport aux femmes aussi, ce qui est super beau, c'est un argument très qui est lancé, hein. C'est aussi, c'est pas une jupe, c'est faire des argumentaires à se dire Et tu vois, comme le viol, des fois, quand on dit en fait, ça a causé la femme qu'à se violer, est-ce que vous vous rendez compte, elle est découverte, elle cherche en fait à se faire violer. Et que là, on ne met pas du tout aussi en cause, justement, la partie qu'en fait, c'est pas causé la femme, c'est l'homme, qu'en fait, c'est juste l'homme qui l'a violée, que la femme n'a pas demandé de se faire violer, c'est l'homme qui a fait un acte, c'est pas elle d'être en cause par rapport à l'acte que l'homme fait sur elle. Donc, ceci, cet argumentaire-là, est au même niveau que l'émancipation, est débile. Et en fait, on n'arrête pas la situation, et un faux argumentaire monte encore la suprématie blanche, mâle, dans toute sa splendeur. Et après, je sais pas quoi dire d'autre. Donc, si vous avez des questions, si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, non, peut-être. Vous voulez prendre la parole ? Je sais pas quoi dire. Moi, je suis français d'origine algérienne. Bon, je crois en Dieu, je pratique pas. Hein. Je fais le ramadan quand même. Ma mère, elle a 80 ans, elle ne porte pas le voile. Hein. Quand c'est son père, elle mettait le voile. Mais en France, elle ne le met pas. Voilà. Ma mère a fait la prière, tout. Bon, elle a 80 ans. Hein. Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais je crois en Dieu, je fais pas le problème. Mais avant, je ne connaissais pas que le Coran quand j'habitais en Algérie. Voilà. Juste, je pense que le fait de se braquer, d'abord c'est vrai que c'est vraiment très suspect, c'était dit, que ce signe distinctif, c'est un signe porté par des femmes. Donc pourquoi tout d'un coup, une partie de la société se focalise sur une partie de l'habillement des femmes ? Ça me paraît hautement suspect. Et comme si effectivement il y avait un reste de politique coloniale qui veut continuer à imposer ce que c'est que d'être un citoyen normal. Et l'autre chose que ça m'inspire, c'est que les gens à s'habiller comme ci ou comme ça, est-ce que c'est une manière de calmer les choses ? Je trouve ça complètement contre-productif, c'est-à-dire que les interdictions de ce genre ne font que provoquer des espèces de conflits. On parle de tout ça et pendant ce temps-là, on remplit l'espace médiatique par des problèmes qui ne sont pas des problèmes et on évite de parler de choses beaucoup plus importantes. Et plutôt que de parler de religion et de parler de comment on doit s'habiller ou telle religion, est-ce qu'on ne pourrait pas parler un peu plus de justice sociale, d'écologie et de problèmes qui concernent l'humanité dans son ensemble ? Ouais, pour réagir, c'était sur la question du port du voile. Donc, on interdit aux femmes musulmanes de porter un accessoire de leur religion qui, de fait, est un vêtement. Pour les émanciper, pour les aider à atteindre une plus grande liberté. C'est-à-dire que on va les obliger, on va les libres. Excusez-moi, mais ça n'a aucun sens. Je peux pas dire mieux. Et ouais. Bah après justement t'as aussi en fait je pense, je sais pas si je vais le redire, si je me répète, mais je pense que en fait t'as plein, la religion comme plein d'autres choses c'est des sujets trop en fait tabous, et justement le laisser du sujet tabou comme ça en fait peut que permettre justement au pire aux radicaux de gagner et peut-être pousser les radicaux justement à plus parler, parce que ça c'est pas parler et qu'on voit que les radicaux dans les religions. Et que ça met beaucoup en lumière ces gens-là. Alors que en fait, quand on parle à tous les musulmans, c'est chacun une conception propre. Et justement, ce qui serait intéressant, au pire, d'aller justement peut-être apporter aux pays musulmans qui n'ont pas peut-être le cadre laïcité comme nous, où on essaie vraiment de mettre un cadre où tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut vivre sa conviction comme il veut. En fait, plutôt que d'avoir justement un discours, on est contre ces choses-là, mais montrer justement qu'on accepte ces diversités, et que peut-être aussi par ces discours-là, en fait, par le cadre qu'on va poser, par des sorts qu'on pose, que ça peut peut-être, en fait, peut-être montrer à ces gens-là que voilà, en fait, que la conviction c'est aussi propre et que chacun peut la vivre de sa façon, et que qu'on porte le voile ou pas, ça changera rien qu'on croit à Allah ou à Allah, à Jésus ou au Dieu juif. Et en fait, je pense que peut-être justement par parler de tout ça et de remettre ces chalets à l'actualité peut permettre justement aux personnes peut-être arrête. pays peut-être maghrébin qui justement impose le voile, etc. Que bah, peut-être qu'ils peuvent faire autre, et que ça ne changera pas la conviction ou la voilà la conviction et la façon de vivre l'islam, vivre l'islam dans la dans les chez les croyants. Je sais pas, peut-être quelqu'un veut rebondir là-dessus ou pas. Non. Ok. Il fait froid. Est-ce que quelqu'un veut dire un truc? Sinon on va remballer, on va finir. Ok. On arrête, c'est bon. Bon, ben on va arrêter. Ok. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Logiquement, on revient. On est là. Logiquement, on revient la semaine prochaine ici.